J'irai bien poser ce couplet au sommet d'une falaise. Y'aura pas besoin de caméra, mais que la vision soit nette. C'est plus qu'une planète, et t'as qu'à demander à la lune. Y'a quoi par les caméras sur Namek. J'entends les canaux et sur les flots de la Seine. Le tout en camon résonnait depuis Marseille. Les volumes, mais y'a qu'à voir les caméras. Y'a pour dire que dans l'arche de Noé y'avait des abeilles. J'connais mes classiques par cœur, t'as le fight. Facile, mais tu n'as pas le corps, petite white. Moi j'préfère Al que Walter. Dis-toi, quand on n'a pas le mic, c'est qu'on a sport. J'freestyle par passion, pas par passe-temps. Distance, les parasites, les bactéries qui stagnent et discardent. Pourquoi le papa de Simba me chante discret? Quand on te félicite, petite, c'est qu'on a le mort. On a grandi sous la lune, un regard vers les étoiles, l'autre vers la thune. Le cerveau dans la fume, le cerveau dans la brume. Un jour j'ai pris ma plume pour raconter nos vies, nos vides, nos vices, nos actions, nos vices, nos doutes et nos tracas. Les roses ont fané depuis qu'il y a que des bouquets de weed séchés dans le placard. Et si je te connais par cœur, c'est que j'ai eu le même parcours. Ici pas de jeu d'acteur, vu que la life est déjà hardcore. Hardcore. Ah ouais, j'irais bien poser ce couplet au sommet d'une falaise. Y'aurait pas besoin de caméra, mais que la vision soit nette. C'est bien plus qu'une planète. T'as qu'à demander à la lune, y'a quoi par les caméras sur Namek. J'entends les canaux et sur les flots de la Seine. Les tout en camon résonnaient depuis Marseille. Je l'ai pas lu, mais y'a qu'à voir les camélias. Pour dire que dans l'arche de Noé y'avait des abeilles, ah ouais. Avec le temps j'ai créé mon arche comme noir. Et c'est là que je m'y refuge quand tes larmes noires. Mental bétonné depuis môme. Dans ton regard je lis tes mots. Et je le sais, plus à mon coup d'essai. J'esquive les chemins épineux, j'y ai vu trop de blessés. J't'ai trop vu encaisser, dur de rester intact. La crise est génétique, on a la dalle depuis le placenta. On a la dalle mais pas le score, phénoménal et v'là le bol. Mais dire qu'il y a des trucs qu'on n'oublie pas comme le vélo fait mal. On veut la paix pas le pactole, aucun couplet néfaste. Quand il m'était trippé, j'avoue que sans lui j'perdrais les pédales. Ouais, astral était mal vol, quand la fusée démarre boy. J'ferais le tour de la terre avant d'aller sur Mars. On les mettra jamais tous d'accord, sauf sur le terrain. Et comme on renvoie pas la balle d'où elle vient, on attaquera face nord, ouais. J'irais bien poser ce couplet au sommet d'une falaise. Y'aurait pas besoin de caméra, mais que la vision soit nette. C'est plus qu'une planète, t'as qu'à demander à la lune. Y'a quoi par les caméras sur Namek. J'entends les canaux et sur les flots de la Seine. Et tout en camon résonnait depuis Marseille. Volume, y'a qu'à voir les caméras pour dire que dans l'arche de Noé y'avait des abeilles. Ah ouais, j'irais bien poser ce couplet au sommet d'une falaise. Y'aurait pas besoin de caméra, mais que la vision soit nette. C'est bien plus qu'une planète, t'as qu'à demander à la lune. Y'a quoi par les